Chapitre 8e. Les pilleurs de coffre-fort. Grandement étonnés, les deux frères jetèrent une pièce d'argent sur la table, et, sans attendre la venue du garçon, ils se précipitèrent sur les traces du détective. Mais ils ne parvinrent à retrouver ni Paulin Broquet ni le comte, qui s'était perdu dans la foule de plus en plus dense aux environs de la bourse. « Inutile de poursuivre, » dit Raoul. « Oui, nous perdrions notre temps. » Robert et Raoul, en parlant de ces événements, en les étudiant, se demandèrent un moment s'ils ne devaient pas s'adresser au parquet pour demander communication de l'acte que maître Béjanet refusait de leur soumettre. Mais Raoul déclara que ce serait probablement risquer une démarche inutile. Il n'obtiendrait aucun résultat. « Le mieux dans ce cas, » dit alors Robert, « est d'employer ces moyens extrêmes devant lesquels nous sommes décidés à ne pas reculer. Oui, frère, et cela sans tarder. » Il faut que nous prenions dans le coffre-fort de maître Béjanet cet acte qu'il refuse de nous donner. Oui, quand tu voudras, Raoul. Ce soir. Bon, ce soir. Ils passèrent la journée à organiser l'expédition, silencieusement, secrètement. Puis, vers le soir, sous différents prétextes, ils se séparèrent, devant se retrouver à l'heure du dîner chez leur mère. Robert gagna le passage Ganneron et se rendit chez sa malade, Madame Ménardier. Comme la veille, il lutta contre la grande envie d'attendre Riri à son retour de l'atelier, mais cependant il partit encore avant que la jolie ouvrière fît sa radieuse apparition. Toutefois, ardemment désireux de la voir malgré tout, il se posta dans la pénombre d'une maison d'où il pouvait, sans être découvert, surveiller les abords du triste passage. Robert eut presque aussitôt cette surprise douloureuse de voir Raoul qui, de loin, discrètement, suivait, dévorait des yeux la jolie Riri. Quand Riri eut embrassé ses deux compagnes habituelles, qu'elle se fût engouffrée, rayon de soleil, dans l'ombre du triste passage, Raoul, anxieux et ravi, demeura là, sur le trottoir, regardant s'enfoncer et se perdre dans la nuit la silhouette charmante de la jeune fille. Lorsque Raoul enfin se ressaisit et se décida à quitter la place, ce fut avec un long soupir qu'il se tira de son extase et s'éloigna. Robert, de son côté, n'avait rien perdu de tout cela, et son cœur souffrait étrangement. « Oh !» se dit-il, « plus de doute, hélas, il aime Riri comme je l'aime. Quel malheur, quel grand malheur! Nous aimons tous les deux la même femme. » Maître du secret de son frère, Robert, cependant, enferma sa douleur au fond de son cœur. Mais si fort que fut son amour pour Riri la jolie, si grandement que son cœur se trouva pris par le charme qu'exerçait cette adorable jeune fille, Robert, malgré toute la souffrance qu'il devait ressentir de cet effort, ne voulut voir en ce rival que le frère qu'il chérissait tant. Dans son sacrifice, dans sa douleur, il se mit à souhaiter le bonheur de son frère, ne concevant maintenant plus qu'une crainte, c'est que Raoul, de son côté, n'arriva à deviner son amour à lui et sa souffrance, et n'éprouva ensuite une peine égale à la sienne. Il s'arrangea donc, dès maintenant, pour que Raoul ne l'aperçût point dans les environs du passage Ganneron, et ne conçût aucune inquiétude, qu'il ne lui vint aucun soupçon de le voir là. Et se dominant, enfonçant en son âme sa souffrance, il s'efforça de ne s'intéresser qu'aux préoccupations plus sérieuses que celles de l'amour qui devait désormais tenir son esprit. Il se donna tout entier à ses malades, à son hôpital, et se remit à ses travaux de bactériologie. Il reprit également très activement les études des traces demeurées sur les derniers pansements ayant touché le corps de la jeune sœur d'Alice de Briailles. Et il se mit à rechercher en elle le microbe de ce mal mystérieux qu'il soupçonnait, dont il n'osait encore prononcer le nom tout haut, tant ce mal épouvantable répandrait la terreur. D'ailleurs, rien ne devait le distraire de la mission sacrée qu'avec Robert il s'était imposée. Rien ne devait l'éloigner du but difficile à atteindre. Les deux frères, outre l'appartement qu'ils occupaient chez leurs parents, avaient rue des Mathurins un autre appartement où se trouvait le cabinet du docteur qui donnait trois fois par semaine des consultations et le bureau de maître Raoul où l'on pouvait tous les soirs, après le palais, rencontrer l'avocat. Dans cet appartement, les deux frères se donnaient chaque soir rendez-vous, à 7 heures, pour regagner ensemble l'hôtel de la rue Chalgrin. Parfois, le banquier, quittant son cabinet, y venait prendre ses fils pour rentrer avec eux. Souvent, Madame Montreuil et Raymonde, revenant de course dans les magasins ou chez le couturier, après leur visite, s'y retrouvaient. De là, tout heureux, on regagnait la maison. Raoul et Robert, donc, ce soir, quittant tous deux les parages du passage Ganneron, revinrent à l'appartement de la rue des Mathurins. Par deux chemins différents, ils y arrivèrent à peu près en même temps. Ensemble, ils montèrent en voiture et se trouvèrent rue Chalgrin à l'heure habituelle du dîner. Très préoccupés tous deux, ils n'échangèrent que peu de mots tout le long du parcours. Robert préféra cela. Il avait besoin de ce silence, car si les grands cris semblent, dans certaines souffrances, apporter une sorte de soulagement, le silence met un baume calmant sur les douleurs comme celle qui étreignait Robert en ce moment. Après le dîner, Robert et Raoul demeurèrent assez tard auprès de leur mère et de leur sœur. Leur venue ou leur mère se retirait chez elle, les deux frères l'embrassèrent longuement, lui souhaitant affectueusement bonne nuit ainsi qu'à Raymonde, puis ils montèrent dans leur appartement. Marcelin, leur valet de chambre, les y attendait pour les derniers ordres. « Montez-nous du café !» commanda Raoul. Le valet de chambre s'étonna. « À cette heure, monsieur ne veut donc pas dormir ?»« Que cela ne vous inquiète pas. Une fois que vous nous aurez servi, vous pourrez aller vous coucher. »« Oh, monsieur, ce n'est pas pour moi que je parle. Mais vraiment, depuis ces douloureux événements, monsieur, ainsi que monsieur Robert, vous avez besoin de repos. Et du café, maintenant ?» Raoul fit un signe. Le valet de chambre sortit sans plus rien dire. Peu après, Marcelin apportait sur un plateau la cafetière fumante et les tasses. « Mettez ça dans le salon, » dit Raoul. Puis il ajouta, « Maintenant, vous pouvez aller vous reposer. Ces messieurs n'ont plus besoin de moi. Non, bonsoir, Marcelin, bonsoir. » Les deux frères se trouvèrent seuls dans le petit salon qui reliait les deux appartements. Ils s'assirent chacun dans un fauteuil, se versèrent une tasse de café et allumèrent un cigare. Dans la maison, peu à peu, tout bruit avait cessé, et toutes les lumières étaient éteintes. Maître et domestique se trouvaient dans leur chambre et le sommeil semblait régner à chaque étage, sauf à celui-ci. Le son grave d'une vieille horloge normande placée dans le vestibule coupa le silence. « Minuit, » fit Raoul. « Oui, minuit, » fit Robert. « Minuit. » Et la vieille horloge de nouveau égrena dans le silence les 12 coups de son timbre sonore et lent. Raoul quitta alors brusquement son fauteuil. « Allons, Robert, voici l'heure, il faut agir. » Mais Robert posa sa tasse à café sur la tablette de la cheminée. « Agir. Crois-tu bien, Raoul, que ce que nous allons entreprendre soit raisonnable ?» Raoul regarda son frère avec étonnement. « Est-ce que tu hésites ? J'ai peur que nous ne fassions une course inutile et que nous ne tombions dans quelque ridicule équipé. Pourquoi ? Qu'allons-nous faire ? Nous allons, » répondit Raoul, « prendre connaissance de ce document que Maître Béjanet a soumis à notre père, qui amena chez lui un si étrange revirement et qui causa réellement sa mort. Oui, mais... comme Maître Béjanet ne veut pas nous en donner librement communication et que nous voulons quand même le connaître, nous allons employer le moyen dont on use quand on veut acquérir ce qu'on ne vous donne pas. En un mot, nous allons cambrioler l'étude de Maître Béjanet. Tout bonnement, je ne vois que ce moyen. » Mais Robert arrêta vivement son frère. « Attends. Écoute. Quoi ? Qu'as-tu entendu ? Je ne sais. Il m'a semblé percevoir dans le corridor le bruit du plancher craquant sous les pas de quelqu'un. Dans ce corridor ? Comme le soir où Paulin Broquet était ici avec nous ? Raoul traversa le salon et alla ouvrir la porte donnant sur le corridor. Il regarda, écouta. « Qui est là ? » demanda-t-il. « Marcelin ? Est-ce vous ? » Mais il n'obtint pas de réponse. Le corridor était plongé dans l'obscurité. Les boutons électriques qui allumaient les lampes du plafond se trouvaient près de chaque porte. Raoul tourna celui qui était sous sa main. Il regarda de chaque côté, ne vit rien. Fermant alors l'électricité, il replongea le corridor dans l'obscurité et revint vers son frère après avoir toutefois soigneusement derrière lui tiré la porte. « Personne, » dit-il, « ce n'était rien. » « Tant mieux, cependant il m'avait semblé... » « Maintenant, qui veux-tu qui vienne nous écouter ? Et pourquoi ? Personne ne se doute. Ce n'est pas mère, n'est-ce pas, qui viendrait ? Ni Raymonde. » « Marcelin ? Oh, Marcelin est trop content de la permission que je lui ai donnée d'aller se coucher. D'ailleurs, dans quel but s'amuserait-il à écouter à notre porte ? Oui, en effet. Oui, ça n'a aucune raison d'être. » Mais comme Robert disait ces mots, un craquement assez fort se fit de nouveau entendre dans le corridor. Robert dit à demi-voix : « Tiens, encore, tu as entendu cette fois ? » « Oui, » répondit Raoul en écoutant. « Oui. » Il fit signe à son frère de se taire, et sur la pointe des pieds, il se dirigea vers la porte. Encore une fois, le craquement de plancher coupa le silence. Raoul d'un coup ouvrit la porte du salon, puis allongea le bras et tourna le bouton électrique du corridor. C'était si rapidement fait que si quelqu'un se trouvait dans ce corridor, il lui serait impossible d'échapper sans être vu. Mais Raoul et Robert, qui le rejoignit, n'aperçurent rien. Ils parcoururent le corridor et revinrent sans rien découvrir. « Allons, » dirent-ils, « ce sont les bois qui jouent. Le temps va changer. Les vieux meubles craquent. » Ils revinrent donc dans le salon et reprirent leur entretien sans plus songer à cet incident qui, d'ailleurs, et ceci aurait dû les étonner plus encore, ne se renouvela pas. « Je te disais donc, » reprit Robert, « je te disais tout à l'heure, avant que l'esprit frappeur du corridor vînt nous interrompre, que je me demandais si nous étions bien raisonnables d'entreprendre une expédition pareille. Pourquoi pas ? Qu'allons-nous faire ? Nous allons chez Maître Béjanet essayer de pénétrer dans son cabinet qui doit être bien gardé et tenter d'ouvrir son coffre-fort. Nous nous sommes munis à cet effet de clés, de passe-partout et de pincements, seigneur. Sans doute. Nous avons un attirail qui ferait envie à plus d'un cambrioleur. Mais ce n'est ni l'outillage qui nous fera défaut, ni le courage qui nous manquera, d'accord ? Alors ? C'est l'habitude, l'expérience. Vois-tu, mon bon Raoul, nous allons, nous, gens du monde exercés dans les sports, c'est entendu, mais nullement préparés à pareille entreprise, nous lancer dans une aventure que des cambrioleurs de profession considéreraient comme des plus hardis, des plus difficiles, des plus dangereuses. Nous allons piller le coffre-fort d'un notaire. Eh bien, j'espère que nous réussirons. Saurons-nous comment nous y prendre ? Saurons-nous seulement pénétrer dans l'étude ? Pourrons-nous arriver jusqu'au cabinet du notaire ? Pourquoi pas ? J'admets que nous y arrivions. Mais si le veilleur nous surprend, si l'alarme est donnée, que ferons-nous ? Ben, nous le verrons à ce moment. Devrons-nous réduire le veilleur au silence ? Et comment ? En le tuant ? Nous n'avons pas pensé au meurtre. Irons-nous jusqu'à l'assassinat ? « Il y a d'autres moyens de réduire un homme au silence. Tu emportes du chloroforme. »« Oui, mais si malgré toutes nos précautions, on nous surprend dans notre travail, si l'on nous arrête en train de cambrioler, que dirons-nous ? Et demain, dans Paris, quelle sera notre situation à toi, avocat, à moi, médecin, quand on saura qu'on nous a pincés en flagrant délit ?» Raoul répliqua. « Je comprends toutes tes objections. Mais rassure-toi, je me les suis posées également. » J'ai envisagé toutes ces fâcheuses éventualités, et je les ai carrément écartées. Robert, mon cher Robert, personne ne voudra croire que nous, toi, Robert et moi, Raoul, fils du défunt banquier Montreuil, riches comme nous le sommes, avec notre passé de gentleman apprécié et connu, nous soyons de vulgaires cambrioleurs. Le fait sera là, cependant. Oui, le fait. Mais on comprendra que nous n'avons pas cherché à piller la caisse d'un notaire, qui d'ailleurs ne doit pas contenir beaucoup d'argent. D'un ami de notre père, dont la seule intention de voler. On comprendra que nous avons voulu autre chose. Et rappelant la scène qui précéda la tragique mort de notre père, tout le monde devinera quel était notre but. Et il n'est personne qui ne nous approuve, puisque Maître Béjanet refuse de nous communiquer ce document tragique, d'avoir voulu le connaître malgré lui. Voilà. Si nous réussissons, comme je l'espère, tout ira bien. Si nous échouons, notre réputation n'en souffrira en aucune façon. Nous aurons seulement été maladroits ou malchanceux. Robert fit encore quelques objections que Raoul combattit. Enfin, conclut l'avocat, ce document qui causa la mort de notre père a pour nous une importance telle que pour le connaître, nous devons passer par-dessus tout. Qui te dit que ce document terrible, après avoir tué notre père, ne causera pas encore de nouveaux deuils à la maison ? Nous luttons pour le repos de notre chère mère, de Raymonde, peut-être pour le nôtre. Nous luttons pour la réputation de celui qui a été tué, pour son honneur, pour le nôtre. Cela vaut bien que nous courions quelques risques. Robert céda enfin à l'enthousiasme de son frère. Allons, tu as raison, Raoul, il le faut, oui, il le faut. Allons, et que le ciel nous seconde. Les deux frères alors quittèrent leurs vêtements de ville. Ils revêtirent un costume sombre, ample, qu'ils mettaient à la campagne, à la chasse. Ils se coiffèrent d'une casquette de drap et chaussèrent des souliers de tennis à semelles de caoutchouc. Dans leurs poches, ils disposèrent leurs trousseaux de clés et les pinces de telle sorte qu'en marchant, en remuant, ils ne puissent les faire résonner. Ainsi équipés, méconnaissables, lestes, bien décidés, fermement résolus à courir tous les risques, à affronter tous les dangers, à réussir dans leur expédition audacieuse, ils s'engagèrent avec précaution dans le fameux couloir dont, tout à l'heure, une planche avait craqué. Des tentures encadraient chaque porte donnant sur ce corridor. Des porte-manteaux, des banquettes, quelques vieux bahuts et des palmiers dans de grands pots encombraient ce couloir que des tableaux, des statues et des panoplies d'objets exotiques ou de sport accrochés au mur transformaient en une sorte de musée où les deux frères se plaisaient à garder quelques souvenirs de jeunesse, des reliques d'étudiants. Il était vraiment facile à quelqu'un de se cacher dans ce corridor. En avançant lentement, Robert et Raoul en gagnaient la certitude. Sous leurs pas, comme tout à l'heure, le plancher craqua. Ils s'arrêtèrent, les craquements cessèrent. Ils obtinrent la preuve que quelqu'un tout à l'heure était là, les avait épiés, écoutés. Cela devenait inquiétant. Anxieusement, ils s'interrogèrent. Mais ils ne pouvaient s'arrêter dès les premières alarmes. Ils se remirent en route, et sous leurs pas assourdis par les semelles de caoutchouc et les tapis, le plancher encore maintenant fit entendre son craquement. Inquiets, angoissés, les deux frères s'arrêtèrent encore. « Maintenant, » dit Raoul tout bas Robert, « j'ai la conviction que tout à l'heure, quand nous parlions chez nous, quelqu'un est venu dans le corridor. J'en étais persuadé. Mais qui ça peut-il être? Qui et pourquoi est-on venu? Demain, nous chercherons à savoir. Oui, ne nous attardons pas. » Prudemment, ils descendirent, marche par marche, écoutant, anxieux. Et n'entendant aucun bruit que le tic-tac de la grosse horloge normande qui semblait le battement du cœur de la maison, ils arrivèrent à la porte de l'office donnant sur la rue. Ils l'ouvrirent. Cette marche dans l'escalier, l'ouverture de la porte furent pour eux comme un exercice préparatoire. Avant de sortir, ils écoutèrent encore. Rien ne bougea dans la maison. Donc, la première partie de leur expédition, et non la plus délicate, venait de parfaitement réussir. « C'est bon signe, » dit Raoul. « Je le crois. Nous ferons décidément de bons cambrioleurs. » Une fois dans la rue, ils respirèrent. « Pourvu, » dit Raoul en riant, « que nous ne tombions pas en chemin dans les pattes de Paulin Broquet. » Ils remontèrent l'avenue de la Grande Armée. Une auto passait, rentrant dans Paris. Ils la hélèrent, y prirent place, et se firent conduire place de la Bourse. De là, ils se rendirent chez Maître Béjanet. L'étude du notaire occupait rue Notre-Dame-des-Victoires tout un étage d'un vaste immeuble, mais Maître Béjanet n'avait pas ses appartements dans la maison. Deux escaliers, l'un grand, vaste, en pierre, ayant une rampe de fer forgé datant du siècle du Grand Roi, quand on avait construit les maisons du quartier des Victoires. L'autre, donnant sur la cour, était l'escalier de service. Tous deux conduisaient à l'étude. Le premier à la grande salle des clercs, le second à un corridor qui ramenait également à la salle des clercs. Un seul veilleur de nuit gardait l'étude. Robert et Raoul se dissimulaient de moins en moins que cette entreprise était fort difficile. On ne s'improvise pas cambrioleur, et ouvrir un coffre-fort promptement, sans donner l'alarme, cela demande une longue pratique. Quant aux moyens employés pour réduire au silence un veilleur de nuit, ils sont variés, nombreux, et exigent pour leur application une mentalité spéciale. Mais les deux frères qui avaient, nous le savons, envisagé toutes ces questions, tout en reconnaissant qu'ils rencontreraient de grosses difficultés, ne s'arrêtèrent plus et n'hésitèrent pas un instant maintenant qu'ils approchaient du but. Ce que d'autres savent faire pour le mal, se dirent-ils, nous saurons bien nous l'accomplir pour une cause juste et bonne. Se faire ouvrir la porte de la rue, jeter en passant devant la loge le nom d'un locataire au concierge à demi endormi, fut simple. La difficulté commençait devant la porte de l'étude. Robert et Raoul avaient décidé de passer par la porte de l'escalier de service parce qu'ils risqueraient moins de rencontrer quelqu'un dans cet escalier et parce que le veilleur de nuit dressait son lit dans la grande salle des clercs, par conséquent assez loin de cette porte. Raoul, qui se sentait des dispositions pour le cambriolage, trouva rapidement une clé ouvrant cette porte. Les voici donc assez facilement passés dans le couloir. Leur semelle de caoutchouc ne faisait aucun bruit. Ils se dirigèrent vers la salle des clercs. Ils étaient venus souvent à l'étude, en connaissaient admirablement les êtres. Ils y marchaient donc sans rien heurter, dans l'obscurité. Devant la porte de la salle des clercs, ils s'arrêtèrent, écoutèrent. Cette porte était seulement poussée. Elle s'entr'ouvrit facilement, sans grincer. Le ronflement sonore et régulier du gardien les rassura et justifia une fois de plus le dicton qui affirme que personne ne dort mieux qu'un veilleur de nuit. Robert et Raoul se glissèrent alors dans la salle d'éclair. De grandes et hautes croisées laissaient pénétrer dans cette immense pièce, encombrée de cartonniers le long des murs et de larges tables surchargées de dossiers, une lueur blafarde qui suffisait pour y manœuvrer sans encombre. Les deux frères, pleins de confiance maintenant, se dirigèrent vers le cabinet de maître Béjanet. La porte était ici également, seulement poussée. Ils pensèrent que probablement c'était une habitude du veilleur de nuit qui espérait peut-être mieux entendre le bruit que quelqu'un ferait en pénétrant dans cette pièce. Sans plus s'arrêter à ce détail, Robert et Raoul poussèrent doucement la porte. Celle-ci céda, s'entr'ouvrit, et livra aux deux frères un spectacle qui les cloua sur le seuil, les stupéfia, les abasourdit. Dans le cabinet de maître Béjanet, ils aperçurent trois hommes penchés sur le bureau du notaire, absolument encombrés de paperasses dans lesquelles ils fouillaient. Ces trois hommes s'éclairaient au moyen de lampes électriques portatives. Les petites ampoules de ces lampes étaient de verre bleu. Le bleu, en effet, est une couleur froide, comme disent les peintres, qui ne frappe pas l'œil, n'attire pas la vue autant que la lumière blanche et surtout la rouge. Sous cette lumière bleue très douce, peu rayonnante, mais très suffisante cependant, les trois hommes poursuivaient aisément leur besogne mystérieuse. Ils n'avaient pas à craindre ainsi que la lueur froide fût remarquée du dehors. Une amena un passant, un locataire, étonné de voir de la lumière à cette heure chez le notaire, a donné l'alarme. Cependant, l'effarement que leur causa ce spectacle inattendu ne dura chez Raoul et Robert que quelques secondes. Leur hésitation sur la conduite à tenir maintenant ne pouvait se prolonger. D'ailleurs, un des hommes qui, penché sur la table, feuilletait dans les paperasses, se releva et se tourna vers le coffre-fort dont la porte se voyait ouverte derrière lui. Dans le mouvement que cet homme accomplit, la lampe électrique qu'il tenait à la main éclaira son visage. Robert et Raoul poussèrent en même temps le même cri « Le comte de la Guérinière !» Aussitôt ils s'élancèrent, se précipitèrent vers celui qu'ils venaient de reconnaître. Mais au même moment, un voile s'abattit sur leurs yeux. Leur tête se trouva d'un coup emprisonnée dans une sorte de sac plein de coton qui fut rabattu fortement et serré au cou. Robert, Raoul, voulurent crier, mais le coton qui emplissait le sac étouffa leur voix. Ils essayèrent de se débattre, mais on maintint leurs bras solidement en les attachant le long de leur corps. En même temps, on leur donnait sur la tête un coup de main plat, assez fort, qui brisait quelque chose dans le haut du sac. Aussitôt, un jet d'air glacé, de gaz liquide se volatilisant et leur causant une sensation de froid extrême, enveloppa leur figure. Comprenant le danger, Robert et Raoul se débattirent furieusement, luttèrent en désespéré, suffoqués, étouffés, éprouvant l'atroce angoisse des noyés. Mais cette lutte ne dura que quelques secondes. Leurs bras se détendirent, leurs jambes fléchirent. Un sommeil profond s'empara d'eux. Ils se trouvèrent à la merci des mystérieux personnages dont ils venaient de troubler le singulier travail. Ils tombèrent à terre, inertes, anéantis comme des cadavres.